Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les titres. La finale de la compétition Isanganiro Award 9e édition ce samedi. Le président de la commission chargée des préparatifs de cette compétition indique que cette dernière vise la promotion de la musique burundaise et des artistes. Et plus de 150 kiosques qui étaient construits sur la clôture du marché d'Ojabé ont été démolis le matin de ce samedi. Le responsable de ce marché dit que c'est dans le but de mettre en exécution la recommandation du ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Et en Ngozi, 4 kiosques sont partis en fumée le matin de ce samedi. L'incendie serait dû à un court-circuit selon la police. Et l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat estime que le gouvernement devrait chercher des moyens financiers pour construire une digue le long du lac Tanganyika dans des endroits menacés par la montée des eaux. Et comme à l'accoutumée tous les samedis, après ce journal, vous avez droit à la revue de la presse. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre final de la compétition Isanganiro Award 9e édition ce samedi. La première chance parmi les 10 qui sont en lice va être sélectionnée. Annonce faite par le président de la commission chargée des préparatifs de cette compétition. Oben Yonguru précise que le gagnant sera primé avec une promotion de sa chanson pendant une année sur les ondes de la radio Isanganiro. Il invite tous les mélomanes à suivre les cérémonies de la dite compétition qui seront transmises en direct sur Facebook Live, étant donné que le contexte Covid a entraîné la réduction du nombre des invités. Suivez-les au micro de Vestine Woutoy. Aujourd'hui, donc, c'est la finale. Ça a été un long parcours depuis la collecte de plus de 1000 chansons et la sélection pour retenir les 20. Après les 20, il y a un jury qui a sélectionné et aujourd'hui, on reste alors avec les 10 et parmi lesquels aujourd'hui, le jury est aussi en considérant aussi d'autres critères qu'on s'est fixés, notamment les votes en ligne par SMS plus les points du jury. C'est là où alors on va garder la seule chanson qui sera dédiée à l'année. Après ça, ce sera quoi? L'artiste aura quoi comme gagnant de cette compétition? L'artiste qui gagne, il gagne beaucoup. Il va bénéficier d'abord de la promotion de toute l'année jusqu'à ce qu'on organise la prochaine édition, donc la 10e. En tout cas, c'est pas quelque chose de négligeable parce que tout ce qu'il fait dans sa carrière, la radio Isanganiro l'accompagne. Mais aussi, il y a d'autres prix que peut-être je ne vais pas révéler ici. Il y a parmi ces prix, il y a le trophée. Mais particulièrement pour les cérémonies d'aujourd'hui avec la crise de Covid, la crise mondiale. On n'a pas pu inviter tout le public comme dans les précédentes compétitions. Aujourd'hui, on a invité un nombre limité qui va participer à cet événement. Et le reste du public, les mélomanes, on les invite à suivre la radio Isanganiro à partir de 15h, mais aussi à suivre notre page Facebook, ça sera en live, mais aussi il y aura retransmission en direct avec la télévision BTV. Et c'est pas la première fois que la radio Isanganiro organise une télécompétition. Aujourd'hui, quelle est la plus-value? La plus-value, je dirais matériellement, non, mais c'est une contribution au pays au niveau culturel. Vous savez que lorsque un chanteur représente le pays ici et là, il devient notre ambassadeur, devient ambassadeur du pays, devient aussi ambassadeur de notre radio. C'est juste ça. C'était Aubin Nyonguru, président de la commission chargée des préparatifs de la compétition Isanganiro Award 9e édition. Et plus de 150 kiosques construits à l'extérieur du marché d'Ojabé sur le mur de la clôture de ce marché ont été détruits le matin de ce samedi par les propriétaires eux-mêmes, comme a été recommandé par le ministre Gervain Dirakobucha, ayant le développement communautaire dans ses attributions. Les propriétaires de ces kiosques disent qu'ils ne voient pas où continuer leurs activités commerciales. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Arrivés au marché d'Ojabé, les travaux de démolition des kiosques construits à l'extérieur de ce marché sur le mur de la clôture étaient en train d'être exécutés depuis le matin de ce samedi par les propriétaires eux-mêmes de ces kiosques. Ces commerçants de leur côté nous ont fait savoir que jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où ils pourront déplacer leurs marchandises, tandis que d'autres signalent que les marchandises qu'ils ont ne peuvent pas être placées à l'intérieur du marché au moment où les places sont distribuées dans ce marché d'Ojabé sont très étroites et presque même toutes les places sont occupées. Ce qui faisait le commerce de matériaux de construction comme des tôles et des tuyaux se pose des questions pour savoir comment ils peuvent placer ces objets à l'intérieur de ce marché alors qu'ils exigent une grande place. Tous ces commerçants demandent aux autorités qui leur avaient autorisé d'exercer leurs activités dans ces places à l'extérieur de ce marché de leur trouver d'autres endroits pour continuer leurs travaux de commerce. Pour Idi Kaunda, commissaire du marché Jabé, ces travaux de démolir ces kiosques ont été réalisés pour respecter l'ordre et exécuter une recommandation du ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire de démolir ces kiosques en dehors des semaines. Merci Jean-Marie Mayonga. De Bujumbura, rendons-nous à Ngozi, au nord du pays, où 4 échoppes et toutes leurs marchandises ont été réduites en cendres et 21 kiosques ont été détruits pour contrecarrer un incendie survenu ce samedi matin au marché central de Ngozi. Cet incendie est dû à un court-circuit causé par un soudeur dans un kiosque de ce marché, selon des sources policières. La police et la population sont vite intervenues pour limiter les dégâts. Le point avec Apollinaire Muzagar. Ce court-circuit est survenu vers 7 heures quand un soudeur coupait des tôles métalliques dans un kiosque de son marché. Des sources sur place indiquent que cet homme exécutait l'ordre de l'administrateur communal de déménager tous les kiosques construits sur une conduite d'eau de pluie entourant cette infrastructure commerciale. 4 kiosques, dont celui en reconstruction, et tout le contenu ont pris feu et 21 autres démolis en vue d'éviter que ce feu ne fasse tache d'huile. Des centaines d'habitants d'Ngozi, la police et l'armée sont intervenus rapidement et des véhicules publics et privés acheminaient du sable entassé le long des routes principales en train d'être pavés pour éteindre sauf. Mais comme ces kiosques brûlés contenaient des seaux et bidons de peinture, des liqueurs et vins, des ampoules et autres, tout son monde a eu du mal à maîtriser sauf. Après environ 2 heures, un camion extincteur en provenance de Kayanza est arrivé. Heureusement, cet incendie était déjà terminé. Mais plus d'un se demande où se trouvait le camion extincteur de la police garé normalement à côté de son marché d'Ngozi. La police répondait qu'il était en province Gitega sans plus de détails. Tous affirmaient que si cet enjeu était là, que ce feu allait être maîtrisé sans causer aucun dégât. D'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h04, poursuivant cette édition, les organisations de la société civile et associations sans but lucratif sont interpellées à respecter la culture et les mœurs du pays. Cet appel est du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique lors d'une réunion avec les responsables de ces organisations ce jeudi à Muramvya. Gervain Dirakobucha affirme qu'il ne peut pas supporter les organisations qui défient à leur mission. Il invite ces dernières à œuvrer pour le bien-être des citoyens. Suivez-les, il est traduit en français par Jean-Marie Mayonga. Tous ceux qui ne respectent pas la culture burundaise, qui ne valorisent pas notre pays, sont interdits. Nous ne pouvons pas autoriser les organisations sans tenir compte de la culture et des mœurs du pays. Si réellement vos organisations sont sans but lucratif, vous devez d'abord penser aux besoins de la population locale et leurs intérêts. Mais au contraire, si vous pensez à créer une organisation pour des intérêts de quelqu'un, vous ne réussirez pas. Par exemple, si nous autorisons les organisations internationales qui prônent pour l'homosexualité, on serait des milliardaires. La question des devises qui s'observent aujourd'hui serait résolue. Ça serait comme un paradis, n'est-ce pas? Le problème des devises sera fini. Est-ce que ce ne serait pas des cadeaux empoisonnés? Nous voulons vraiment des sociétés qui œuvrent pour le bien-être du pays. Je vous rappelle que si vous avez plus de 700 organisations, vous comptez déjà sur l'existence de la population. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas travailler. Il faut toujours penser aux intérêts des citoyens. Et le gouvernement burundais devrait approcher ses partenaires financiers pour construire une digue le long du lac Tanganyika aux endroits souvent menacés par la montée des eaux du lac Tanganyika. Ce sont les propos du commissaire chargé de l'urbanisme, de l'habitat et des études au sein de l'Office burundais pour l'urbanisme et l'habitat au Buha. Sylvain Chagiridje précise que ces travaux nécessitent des fonds énormes. Néanmoins, il déplore le non-respect du code de l'eau par certains habitats. Je propose de l'écouter. Kibenga Rural n'a jamais été viabilisé par les services de l'urbanisme. Cette unité est privée qui a été vendue à l'État et qui finalement qui a été construite comme telle. Donc s'il y a à restructurer, Kibenga Rural sera aussi restructuré. Comme Kibenga Rural a été acheté et vendu par les privés, ils ont vendu jusqu'au niveau du lac, effectivement. Maintenant, il n'y a pas de recul. Nous déplorons le fait qu'il n'y a pas de recul exigé par le code de l'eau. C'est 150 mètres à partir du niveau de l'eau actuellement. Je crois que les mesures vont être prises, mais les constructions aujourd'hui se sont révélées impraticables. Même les propriétaires les ont abandonnées. C'est dommage. Il y a des terres où c'est bon de construire et d'autres terres déclarées non édificandes. Alors, malheureusement, quand il y a sécheresse, le lac Tanganyika recule, personne ne voyait le danger, mais aujourd'hui le problème est imminent. C'est pourquoi il faut... Si on les fait quitter le milieu, ça ne sera pas difficile. Non, ils ont quitté eux-mêmes parce que maintenant c'est pas pratique. Et ils ne peuvent pas prétendre à aucune indemnisation parce qu'ils ont acheté à des privés. Mais c'est une leçon. C'est une leçon de ne pas pouvoir agresser le lac. Alors comment procéderait l'État pour éviter les dangers dans ce milieu-là? Dans l'urgence, je crois que l'État est limité, mais l'État peut approcher des partenaires de développement. On peut aménager une digue le long du lac et finalement protéger le maximum possible, puisque peu se peut. Mais ce sont des travaux de génie qui exigent beaucoup de moyens et qui ne sont pas disponibles malheureusement pour le moment. Sylvain Chagridje, commissaire chargé de l'urbanisme, de l'habitat et des études au sein de l'Office burundais pour l'urbanisme et l'habitat Ubuha, était au micro d'Omer Ndouayo. Et grogne de certains ouvriers et fournisseurs de matières de construction au chantier de l'immeuble provincial qui abritera les bureaux provinciaux de Makamba. Ces derniers disent n'avoir pas encore reçu la totalité de leur salaire depuis le début de ce chantier en 2016. Ils déplorent les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent. Ils demandent d'être régularisés. Et sur ce, le chef du cabinet du gouverneur reconnaît ses dettes que la province doit à ses ouvriers et fournisseurs. Bernard Naumvoukié les tranquillise toutefois. Que dissipés, ils vont percevoir leur salaire. Et voilà, chers auditeurs, à 13h09, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Emmetou Semitebouti pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean-Bosco Ndouimana. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Détournement de fonds, l'exécutif hausse le ton, mais s'exclame le journal Iwachu. En effet, souligne son confrère, au cadre limogé, percepteur de taxes et impôts remplacés, arrêt des cotisations sur les parkings de bus, etc. Le président Évariste Ndayishimiye et le ministre Indira Kobucha se montrent déterminés à en découdre avec les corrompus. Les politiques, la société civile, les médias saluent l'initiative, mais estiment qu'il ne faut pas baisser la garde et encouragent les autorités à passer à la vitesse supérieure, rapporte l'éditorialiste de cet hebdomadaire Iwachu, qui note aussi deux réactions parmi tant d'autres. Pour Tassien Sibomana, écrit notre confrère, il faut que tous les auteurs, les co-auteurs, les complices soient connus, poursuivis et punis. Même son de cloche chez Jacques Wigirimana, président du parti FNL. Nous demandons au président de la République de s'attaquer aussi aux autres qui se croient puissants et surtout qui ne sont pas très loin de lui, rapporte toujours Iwachu. Et comme disent les anglophones, « Go ahead, Mr. President ». car les attentes sont immenses, conclut son confrère dans son éditorial. La remise des certificats de fin d'études post-fondamentales tarde pour certaines écoles, constate la voix de l'enseignant, qui fait remarquer qu'à la fin du mois de mars, seulement moins de 10 écoles ont déjà délivré les certificats de fin des études secondaires, alors que dans les années antérieures, les certificats au diplôme étaient délivrés juste après la passation du test national vers la fin du mois de juillet et presque en même temps pour tous les établissements. Là, on est en mairie de Bujumbura. Explication recueillie par cet hebdomadaire de l'éducation. Les responsables des écoles expliquent ce retard par le fait que les dossiers individuels des élèves tardent à leur parvenir. En plus, le ministère vient d'exiger la présentation de l'attestation de réussite au concours national de 9e, qui cause aussi le problème. Et chaque élève doit retourner à l'école d'origine. Les parents demandent une décentralisation et une augmentation du personnel chargé de la vérification des dossiers, souligne ce journal. Éducation toujours avec le magazine Jimbéré qui a visité le centre évangélique de la communauté des églises émanuéliques de Gisuru qui accueille plus d'une centaine d'élèves sourds-muets originaires de Ruyigi, Tchankouzo et Rutana. Au-delà de la formation scolaire, les enfants y retrouvent l'affection, le bonheur, comme l'a constaté notre confrère, qui note cependant des difficultés malgré tout. La pauvreté qui sévit dans les ménages handicape le bien-être de ces enfants et l'exclusion sociale en est le coup fatal pour eux, regrette Abel Ndikoumana, coordinateur du centre, toujours dans les colonnes du magazine Jimbéré. Revue de la presse. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida interpelle tous les tousseurs chroniques à consulter les centres de santé ou les hôpitaux sans délai pour être dépistés et traités avant de contaminer leur entourage et leur famille en particulier, écrit l'agence burundaise de presse. Rapportant ainsi le communiqué rendu public mercredi 24 mars dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose édition 2021, célébré sous le thème « L'horloge tourne ». Comme le rapporte l'ABP, ce thème donne l'impression que le monde n'a plus le temps d'agir sur les engagements pris par les dirigeants mondiaux pour mettre fin à la tuberculose. Et cela est particulièrement crucial dans le contexte de la pandémie de COVID-19, rapporte toujours l'ABP. Au Burundi, le milieu universitaire n'est pas épargné par la tuberculose, signale un blogueur Yaga, qui explique que la promiscuité dans les campus universitaires et la malnutrition des étudiants favorisent la prolifération de cette maladie. Une association étudiantine dénommée AVLT s'est investie dans la lutte contre cette maladie. En effet, indique toujours ce blogueur, depuis 2017, l'AVLT a lancé le dépistage précoce et actif dans les 10 campus de la mairie de Bujumbura. Résultat, 18 étudiants ont été testés positifs en 2017. En 2018, ils ont été 31 contre 37 en 2019. En 2020, le dépistage a porté sur 30 campus et ce sont 50 étudiants qui ont été testés positifs. Ils ont par la suite été assistés nutritionnellement par l'association. Des chiffres qui malheureusement disent long sur les dégâts causés par cette maladie en milieu étudiantin, s'indigne son confrère en ligne. Enfin, le journal La Nova revient avec des chiffres sur la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée ce vendredi 26 mars 2021. Le Burundi compte 12 chirurgiens dentistes pour une population de 12 millions, soit un chirurgien dentiste pour un million d'habitants, ce que déplore Dr Anesi Manirakiza, présidente de l'Association des chirurgiens dentistes du Burundi. Par ailleurs, révèle son confrère en ligne, une étude de 2010 montre que 3,9 milliards de personnes sont touchées par ces maladies et la carie dentaire non traitée concerne près de la moitié de la population mondiale, donc 44%. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes.